je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel, à la télévision. Je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zop. Je traite ma mère de névropathe. Faut dire que père est vachement batte, alors que mère est un peu snob. Mais enfin tout ça, c'est le conflit des générations. Je viens rechercher mes bonbons. Et tous les samedis soirs que je peux, Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Oh, bravo, bravo, bravo. Parce qu'enfin, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est ça votre jeune frère, Mademoiselle Germaine. C'est celui qui est flamingant. Je vous ai apporté de bonbons. Oh. Parce que les fleurs, c'est périssable. Oh, alors. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Mais que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand